Bienvenue à toutes et à tous dans ce podcast réalisé par nos élèves de 4e et de 5e de la Lab School Paris dans le cadre de notre cours de français. Ils vous proposent des contenus préparés avec soin pour partager leurs idées et leurs découvertes. Ce podcast a été réalisé par des élèves dans un cadre éducatif. Tous les droits sont donc réservés. Très bonne écoute. La découverte des bêtises d'enfance cachées des profs. Présentée par Anna Chudy et Margot Laurent. Bonjour, chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans notre podcast Le bêtisier des profs de la Lab School. Marine va nous raconter une bêtise de sa jeunesse. Bonjour Marine et bienvenue dans le podcast Le bêtisier des profs. Qu'as-tu comme bêtise? Raconte-moi tout. Et dans tous les détails, hein. Bonjour, je m'appelle Marine Hervé, je suis directrice de l'élémentaire de la Lab School Paris. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une bêtise de mon enfance. Alors, je devais avoir 4 ou 5 ans, c'était l'après-midi, j'étais dans la salle à manger avec ma maman qui était au téléphone. Et moi, j'avais très envie de faire quelque chose avec elle, de jouer avec elle. Comme elle n'était pas disponible, j'ai essayé d'attirer un petit peu son attention. Et donc, j'avais des ciseaux, des crayons de coloriage, etc. Et je me suis gentiment rapprochée de la nappe avec les ciseaux. Et donc, elle a vu ce que j'étais en train de faire. Donc, elle m'a dit, Marine, tu vas pas couper la nappe. Et moi, j'ai dit, non, je vais pas couper la nappe. Et elle a dit une deuxième fois, quand elle voyait que je me rapprochais, Marine, tu vas pas couper la nappe. Non, je vais pas couper la nappe. Et une troisième fois, clac, et j'ai coupé la nappe. Voilà, donc elle a vu la bêtise en direct. Et après, évidemment, j'ai été grondée. Maintenant, Virginie va nous raconter une bêtise de sa jeunesse. Bonjour Virginie, et bienvenue dans le podcast Le bêtisier des profs. Qu'as-tu comme bêtise? Raconte-moi tout. Et dans tous les détails, hein. Bonjour, je m'appelle Virginie, je suis enseignante en mathématiques à la Lab School. J'ai fait dans ma vie quelques bêtises, dont une en CM1. Donc j'avais une dizaine d'années, j'étais en classe verte, mais j'étais malade un jour. Et donc j'ai dû rester dans le chalet alors que les autres sont allés se promener dans la montagne. Donc je m'ennuyais, évidemment. Et donc j'ai eu l'idée, avec une autre fille qui était restée avec moi, de faire une farce à mes camarades. Donc on a refait tous les lits de la classe en portefeuille. Et donc ça veut dire qu'on replie le drap du dessus en deux, ce qui fait que quand on se met dans le lit le soir, en fait on peut pas rentrer dans son lit et on est obligé de refaire tout le lit. Donc on a replié tous les lits en portefeuille, l'air de rien, on a refait bien tous les lits. Et puis le soir, les autres enfants ont essayé de rentrer dans leur lit, n'arrivaient pas à rentrer dans le lit, et donc ils ont pesté, ils ont dit « mais c'est quoi ce truc ?» Et donc il a fallu qu'ils refassent tous leur lit. Et moi, j'ai très bien dormi. Bonjour Laura, qu'as-tu comme bêtise? Raconte-moi tout. Bonjour, je m'appelle Laura Tom et je suis enseignante de français et d'anglais à la Lab School. Aujourd'hui, je vais vous raconter une de mes bêtises lorsque j'étais petite. Je pense que j'avais à peu près 5 ou 6 ans. J'étais à Marseille parce que c'est là où j'ai grandi et mes parents, en particulier ma maman, ne m'avaient pas donné l'autorisation de prendre des bonbons. Sauf que je savais exactement où est-ce qu'elle cachait la boîte à bonbons. Alors, un jour, pendant que ma sœur et mon frère faisaient leurs devoirs, je suis allée dans la cuisine, j'ai pris un petit tabouret, je suis montée sur le tabouret et j'ai regardé la boîte à bonbons et j'ai pu la prendre. J'ai ensuite récupéré un petit bonbon, un arlequin plus précisément, que j'ai ensuite mangé. J'ai un petit peu joué avec le bonbon dans ma bouche et malheureusement, je me suis étouffée avec le bonbon. Oui. Ma sœur a vu la scène, elle a compris que j'étais en train de m'étouffer. Donc, elle a essayé d'appeler ma maman pour qu'elle puisse faire quelque chose, car elle était très, très paniquée. Donc, ma maman est venue tout de suite, était très, très paniquée, vraiment paniquée. Elle m'a attrapée par le ventre, en fait. Vraiment, elle m'a serrée très, très fort pour essayer de faire en sorte que le bonbon sorte, mais rien ne se passait. Mon frère a appelé les pompiers, rien ne se passait non plus. Il n'arrivait pas à les avoir. Donc, tout cela, je m'en souviens très, très, très bien, avec de grandes précisions. Et ma mère, à ce moment-là, donc, a décidé d'aller voir chez les voisins. Vraiment, elle était encore paniquée. Et tout s'est passé très très rapidement, mais aucun des voisins ne répondait, aucun des voisins n'a ouvert la porte. Je crois que tout le monde travaillait, il n'y avait personne. Et grâce au geste que ma maman a fait, donc elle était dans les escaliers, elle me prenait toujours par la taille, hein. Donc vraiment elle appuyait sur mon ventre, elle me prenait toujours par la taille. Et en remontant les escaliers pour voir où mon frère en était avec l'appel concernant les pompiers, j'ai vomi, mais vraiment... tout ce que j'avais, et le bonbon est tombé dans les escaliers. Je me souviens encore du bruit qui faisait toc, toc, toc, toc, toc dans les escaliers. Et je me souviens surtout de l'après, parce que ma maman m'a donné la plus grosse fessée de toute ma vie, parce que de un, je n'avais pas demandé l'autorisation pour prendre les bonbons, et de deux, elle a eu très très peur. Ce qui m'a valu plusieurs années d'interdiction de manger des arlequins. Et voilà. Bonjour, c'est Louine et bienvenue dans le podcast Le Bêtisier des Profs. Qu'as-tu comme bêtise? Raconte-moi tout. Bonjour, je suis Selwyn, le coordinateur élémentaire à la Lab School. Et je vais raconter une bêtise que j'ai fait à ma première année de collège en 6e. Donc avec des copains, on n'avait pas très envie d'avoir cours de maths. On a piqué le carnet d'appel de la prof et on l'a caché dans les toilettes. Et au final, on s'est fait attraper par la CPE et on s'est tous pris 2 heures de colle. C'était mes premières heures de colle et ça m'a appris qu'il faut pas faire ça. Bonjour Chloé, qu'as-tu comme bêtise de ton enfance? Raconte-moi tout! Bonjour, je m'appelle Chloé, moi je travaille à la Lab School, je fais un peu plein de choses dans l'école et aujourd'hui je vais vous raconter une bêtise que j'ai fait quand j'étais petite. Je pense que j'avais à peu près 7 ou 8 ans et c'était la première fois que je mangeais un chewing-gum de ma vie et je ne savais pas qu'un chewing-gum était censé se jeter à la poubelle, donc j'étais très paniquée quand je me suis rendu compte que ça ne disparaissait pas de ma bouche tout seul, donc je savais pas quoi en faire. Et il faut savoir que mon père est un grand collectionneur de CD et il y a un meuble dans le salon avec plein de tiroirs où il range absolument tous ses CD. Et moi, je n'ai pas trouvé une meilleure idée que de relier tous les tiroirs de ce meuble avec mon chewing-gum, ce qui a fait une magnifique toile d'araignée. Mes parents nous ont, trouvé. On demandait à mon frère et à ma sœur et à moi, donc, qui a fait ça? J'ai dit, c'est pas moi. Ma sœur a dit, c'est pas moi. Mon frère a dit, c'est pas moi. Et c'est resté un mystère pendant des années sur qui avait fait ça. Ma sœur a même fini par penser qu'elle l'avait fait elle-même dans une crise de somnambulisme. Et j'ai fini par leur avouer 10 ans plus tard que c'était moi. Coucou Iman et bienvenue dans le podcast La découverte des bêtises d'enfance cachées des profs. Qu'as-tu comme bêtise? Raconte-moi tout et dans tous les détails. Je m'appelle Iman, je suis accompagnante psycho-éducative. Alors j'ai fait une bêtise quand j'avais 8 ans. Je mangeais une glace mais je voulais pas la finir et je voulais pas la mettre à la poubelle parce que j'avais peur qu'on voit que j'avais pas fini ma glace. Donc je l'ai mise sur le rebord de la fenêtre plantée comme ça et ma mère elle l'a vu m'engueuler. Merci pour ces merveilleuses bêtises. Fin, fin, fin.